Dans la zone d'activité de Mayencin, à Gières, figurent deux systèmes différents de double plan sonore liés à la circulation. Le premier est typique des carrefours fréquentés, qui juxtapose les sons des passages rapides des véhicules et les sons des moteurs en attente tournant au ralenti. Nous sommes à l'intersection de la rue Mayencin et de la rue des Essarts. Le second exemple de deux sources croisées est enregistré rue de l'Étang en contrebas de la rocade sud. Ici, le drone atténué de la rocade sert de toile de fond au passage de premier plan des véhicules de la rue.